J'ai vu des portes se fermer pendant que j'ouvrais les yeux. La routine a bouffé l'homme. Si t'as un plan sur pour du blé, fais-le. Ça laissera l'addition si tu te fais péter par les bleus. Le mur des lamentations, tu frappes ta tête car tu regrettes. Mais c'est juste un message à part et parsemé de rage. Un putain de dream sur un doublet, écrit seul sous l'orage. Et là j'entends des cris, des hurlements, de la foule dans mes rêves. En rap, je suis comme un toc sans crise de manque, j'ai besoin de ça pour vivre. Voilà au max et on s'en tape si t'es balèze. Gros, la vie c'est pas un film, ça finit pas comme Julie Lescaut. Jusqu'en Alaska, j'irai cracher ma rage au démarrage. Tes barrages, on les enfonce en dérapage. Yeah. J'ai essayé mais j'ai pas pu tourner la page. Connais la fin du film, je ne ferai pas viser comme Al Pacino. La main sur le jerrycan, on fout le foyer comme dans Slash. Un peu comme Holyfield, toutes mes erreurs on les paye cash. Quand mes yeux voient rouge sang et que sans cesse je fais les 100 pas, je lâche des flots et des sangs. Une décennie de rage dans les entrailles, gros. La fine bataille, suicide pour ceux qui sont bataille. Ici bas la mort te fauche, quel que soit le contenu qu'on partage. Qu'est-ce que tu connais de ma rage, je me défais voir quel corse. Néomatro technique, bientôt je vais mettre un rap en morse. L'instru a saigné et bientôt je passerai au prod de la voix. Au max trop puissant et jusqu'à la fin je lui prêterai ma voix. On a la rage et ça se ressent. Demande à Néoma et Dabs les pieds dans le son. T'en sors pas comme dans un grand marécage. Tu voulais te marrer casse. Toi chez moi y'a pas de jamais. On a ce que t'auras jamais. Donc mat le pourra jamais. Que du lourd à l'état pu. Fais péter le son dans ta sono. Tu sais très bien que je fais des cassures en featuring ou en solo. Dédicace à mes gars sûrs qui avancent même la tête sous l'eau. Une spéciale pour les rageux, l'addition risque d'être salée. Je crache des flammes, j'en ai la langue brûlée. Car j'ai réduit ensemble tous ceux qui voulaient me fumer. Un peu comme brasier mon flow, je crache ma rage au mic. Y'a les flammes de l'enfer qui brûlent au fond de mon thorax. Pour la nuit c'est au max, l'irrégal est le cas au max. On a dû s'adapter à des styles de vie de Mad Max. Élevé dans le magma, on n'avait rien demandé. Donc on avance en Inde et tout en rêvant d'être blindé. Autant que le vent balaye les feuilles mortes. Viens pas clasher ta balle et mort. Non je suis pas le roi Salomon, me serre pas la main. J'ai pas l'humour du marsupilami. Pilon à la bouche, oui l'ami. Non pas braqueur de sac à main, casse-toi gamin. La rage au ventre en mode origami. Rien ne tourne carré ici, moi je veux juste des ronds-points. Dans le cercle vicieux, dur d'amasser les gains. Les pratiques illégales employées par certains pour pas rester en chien. Mon rap ne fait pas le trottoir, pourtant c'est de la rue qui vient. J'arrive avec la rage de vaincre, pour les autres c'est déjà trop tard. Le rap c'est comme la thune, y'a le propre et sale. Je m'en tape du commercial, tu verras pas, il va fit en Relsan. Partant, partant pour la guerre, ouais pas le temps pour les regrets. J'ai confiance qu'en moi-même, garde mon balcon, je vois les deux tresser la dèche, man. Et ça vient de la rue, pas besoin de s'appeler Jean-Luc pour voir que la vie est rêche. Barrage de naissance, Belek à l'explosion. Nyoma et A, l'allume la mèche, boum, une balle, pas de fiche de prison. Demande à flex, si, si, à chaque fois c'est la merde, à chaque fois c'est la même. Les mondes se raquettent pour des caramels. Et faut qu'on perce même s'il faut faire les criminels. Car c'est ma haine qui me motive, faut que je brasse comme Eminem. Cette prod sale, je malmène, et crache tous mes limélos. Escronomie souterraine, bientôt le phénomène.